Hier, ma gueule est rentrée chez moi. Alors, comme d'hab, il y avait des bandits qui ont voulu mon petit chat. Nous sommes restés dans le mafiosi. Avec un ticket de métro, du gros fumier et quelques puces, il a bâti un char d'assaut pour éloigner tous ces gugus. Une fois j'étais chez MacGyver et il avait rien de prêt à manger. Alors il a pris deux cuillères pour concevoir un coquetier. Il a fait bouillir de l'eau en s'aidant d'une carte bancaire. Et il a fabriqué des œufs sortis tout droit de son derrière. Qui est MacGyver était chez moi. Comme d'hab, il y avait des bandits qui en voulaient un petit chat. C'est une sombre histoire de ma fusil. Alors avec un ticket de métro, du gros fumier et quelques bus, il a bâti un char d'assaut pour éloigner tous ces gugus. Ah mais oui, ça a marché, hein. Oh, ça a marché, hein. Avec un pote comme MacGyver, on finit les problèmes de chaudière. Avec MacGyver comme ami, on annule tous nos soucis. Le problème avec MacGyver, c'est qu'il est toujours bien pensant. Pressé contre la misère, l'exploitation des petits-enfants. Au lieu de boire un bon whisky en compagnie de Johnny Russe, on fait le tour des déchetteries pour faire d'une vieille chiotte un Airbus. Pour faire d'une vieille chiotte un Airbus. Pour faire d'une vieille chiotte un Airbus.